Sixième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Troisième leçon, des créanciers. Différentes sortes de créanciers. Tous ne se ressemblent pas. À qui appartient-il de prendre le titre de créancier? En vertu de quel droit? Permission dont peuvent user les créanciers. Ce qui leur est défendu. Coutumes diverses. Terre classique des créanciers. Parmi les créanciers que l'on peut avoir, il s'en trouve toujours quelques-uns, gens débonnaires et sensibles, qui finissent quelquefois par s'attacher au débiteur qui ne les a jamais payés. On en a vu devenir son ami intime, s'affecter des embarras et des soucis où il le voyait plonger, et pleurer de tendresse aux témoignages de reconnaissance qu'il lui prodiguait. C'est un genre d'hommes excellents. Une fois qu'ils vous ont pris en affection, il n'y a pas moyen de vous en débarrasser. C'est un changement qui s'opère dans le moral. Ces sortes de créanciers, fort rares d'ailleurs, ont pris de vous recevoir chez eux ou d'aller vous voir une telle habitude qu'ils manqueraient quelque chose à leur bien-être s'ils restaient 24 heures sans pouvoir vous parler. Votre figure semble leur faire nécessité. Mais ne vous y fiez pas. Tous ne sont pas de même et, pour ma part, j'en connais bon nombre qui n'ont pas des idées toutes aussi philanthropiques. Avant tout, apprenez donc ce que c'est qu'un créancier proprement dit, et sachez, comme un naturaliste, distinguer les classes, les genres et les espèces. On appelle créancier l'individu auquel il est dû quelque chose par un autre, comme une somme d'argent, une rente, des denrées, et en général, toute pièce de fourniture que ce puisse être, à quelque titre et pour quelque raison que ce soit. Cependant, pour pouvoir se dire véritablement créancier de quelqu'un, il faut que celui qu'on prétend être son débiteur ait été réellement obligé, et ce, naturellement. On devient créancier en vertu d'un contrat, d'un billet, d'une reconnaissance, d'un jugement, d'un délit, etc., etc. Creditorum appellatione, dit la loi 11, feuillet de verborum obligatione, non itantum accipientur qui pecuniam crediderunt, sedamus quibus ex qualibet causa debetur. Tous créanciers sont chirographaires, note, c'est-à-dire hypothécaires, et les uns ou les autres sont ordinaires ou privilégiés. Un créancier peut avoir plusieurs actions pour la même créance, savoir une action personnelle contre l'obligé ou ses héritiers, une action réelle s'il s'agit d'une créance foncière, une action hypothécaire contre les tiers détenteurs d'héritage hypothéqué à la dette. Il est permis au créancier, pour se procurer son paiement, de cumuler toutes les poursuites qu'il a droit d'exercer, comme de faire des saisies oppositions, etc., etc., pourvu qu'il s'agisse au moins d'une somme de plus de 100 francs, et d'user aussi de la contrainte par corps, si le titre de sa créance l'y autorise. Note, voyez ma leçon qui traite exclusivement de la contrainte par corps. Mais il n'est point permis au créancier de se mettre de sa propre autorité en possession des biens, meubles ou immeubles, de son débiteur. Il faut qu'il les fasse saisir d'abord, puis vendre après, le tout par autorité de justice. La raison en est que le créancier n'a aucun droit dans la chose qui appartient à son débiteur. Il n'a pas sur cette chose ce que les jurisconsultes appellent « jus in re », il n'a droit qu'à la chose « jus ad rem ». C'est-à-dire qu'il n'a que la puissance de poursuivre son débiteur ou ses héritiers à le payer ou à lui restituer la dite chose. On ne peut contraindre un créancier à morceler sa dette, c'est-à-dire à recevoir une partie de ce qui lui est dû, ni de recevoir en paiement une chose pour une autre, ni d'accepter une délégation et de recevoir son paiement dans un autre lieu que celui où il doit être fait. Lorsque plusieurs prêtent conjointement quelque chose, chacun d'eux n'est censé créancier que de sa part personnelle, à moins qu'on ait expressément stipulé qu'ils seront tous créanciers solidaires et que chacun d'eux pourra seul, pour tous les autres, exiger la totalité de la dette. La qualité de créancier est un moyen de reproche contre la déposition d'un témoin. Ce serait aussi un moyen de récusation contre un arbitre et contre un juge. Il faut encore remarquer ici quelques usages singuliers qui se pratiquaient autrefois par rapport aux créanciers. À Bourges, un créancier pouvait se saisir des effets de sa caution et les retenir pour gage sans la permission du prévôt ou du voyer. Note, le prévôt était autrefois un juge royal qui connaissait des causes entre les habitants privilégiés et ceux qui ne l'étaient pas, et jugeait s'il fallait qu'elles fussent appelées au Parlement ou non. les voyers, étaient des officiers préposés à la police des chemises à la campagne et à la ville. Cette charge existe toujours sous la même qualification, mais ils ont chacun des attributions spéciales. Tous les bourgeois de Chartres jouissaient des mêmes privilèges. En poursuivant le paiement de sa dette à Orléans, le créancier ne payait aucun droit, se considérant comme étranger. En Normandie, c'était tout le contraire. Mais il était en quelque sorte plus difficile à la justice de se faire payer de ses droits par un créancier que de faire payer un créancier par son débiteur. On sait au surplus que, de tout temps, la Normandie a été la terre natale et classique et des débiteurs et des créanciers. Fin de la section 6, enregistrée par Ezoie en Belgique en mai 2010.